bienvenue à tous dans ce numéro du Mac d'Actu sur Radioactive. Dans la précédente émission, nous vous avons parlé du sport santé et du sport adapté. Aujourd'hui, c'est un témoignage poignant, sincère, plein d'espoir et de détermination que je vous propose de découvrir, celui d'une athlète hors du commun, Séverine Guérif. En effet, la veille de partir pour les championnats du monde de duathlon en Roumanie en juin 2022, Séverine Guérif apprend qu'elle a un cancer du sein. Qu'à cela ne tienne, elle décroche le titre mondial, mais elle ne s'arrête pas là, elle en obtient un second, puis un troisième. Nous avons eu la grande chance de présenter sa conférence le 16 mars dernier à Amboise, lors de la journée Sport Santé Bien-être organisée par le contrat local de santé du Pays Loire-Touraine. Je vous laisse donc découvrir cette femme qui, du haut de son 1m50, nous a insufflé une énergie communicative. Alors pour poursuivre le programme de cet après-midi, nous allons parler des bienfaits de l'activité physique pour tous. Et pour cela, l'invitée qui est présente aujourd'hui, elle n'a pas gagné une fois ni deux, mais trois fois le championnat du monde. Je vous demande d'applaudir très très fort Séverine Guérif. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors la petite histoire... je reçois un message de mon collègue Dominique. Il m'a dit, bah, écoute, est-ce que ça te dirait de venir dans la ville d'Amboise pour parler du sport et de la santé ? Et je lui ai dit, bah, bien entendu, je serai présente. Voilà. Et je vais vous expliquer ma petite aventure, puisque à l'origine, je ne suis pas du tout destinée à devenir championne du monde, puisque je commence la compétition en 2017. Je suis comme monsieur et madame tout le monde. Donc, je découvre le sport en compétition en 2017, parce que mon conjoint, qui est Christophe, voilà, tu peux te lever, ce sera peut-être plus simple. Voilà, voilà, félicite-le. Voilà. Enfin, compte tout ce qui est arrivé, c'est à cause de lui. Voilà, voilà, dans les couples, ça déménage bien. Voilà, on s'accuse de tout, et tout ce qui m'est arrivé de positif, c'est à cause de lui. Voilà, lui, il a vu le potentiel. Moi, je faisais juste de la course pour le plaisir, voilà. Puisque en 2017, je revenais d'une maladie. Lui, il était en pleine maladie, il était en maladie de Lyme. Donc, le sport, la santé, je crois qu'on peut en parler. L'activité physique, vous voyez, elle est très bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l'esprit. C'est le début de ce qu'on voit sur le site internet de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, c'est même pas moi qui l'écris. Ouais. Par contre, je l'applique. C'est ça la différence. Il y a entre le dire, il y a le faire. À l'origine, vous voyez, c'est que du plaisir. Je ne connais même pas mes chronos à la fin d'une compétition. J'éteins ma montre et je m'en vais. Et il y a des fois, on m'a appelé sur les podiums et j'étais déjà parti. Voilà. Des moments de vie difficiles. Nous, on vit la maladie. En 2016, je suis opéré de l'utérus. On me l'enlève et on me dit pas de sport pendant un an. Je dis oui, je viens juste de prendre ma licence de triathlon. Et on m'a dit ok, mais vous y allez mollo. Je regardais dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé. J'avais commencé en 2015. Le défi fou, c'est que je ne sais pas nager. Plus de 200 mètres sans... Et j'achète une combinaison de natation et je dis à Christophe, tu vois la bouée là dans la mer, là, j'y vais et je reviens. Alors lui, il est mort de rire. Quoi. Il a moins rigolé quand je l'ai fait. Tant bien que mal, je sais pas combien de fois j'ai bu la tasse. Mais je l'ai fait et je suis revenu et je lui dis, ça y est, je suis prête pour le triathlon, j'y vais. C'est comme ça que j'ai fait mon premier triathlon. Plus je gagne, plus Christophe va mieux. Tout simplement parce qu'il focalise aussi son esprit sur ce que je suis en train de réaliser. Et de se dire, puisque lui, il est passionné. Hein. Il est tellement passionné de sport qu'il regarde même le curling à la télé. Alors, c'est pour vous dire. Tout y passe. Hein. Alors, moi, j'ai des week-ends, forcément. C'est peut-être pour ça que je vais m'entraîner. Hein, parce que moi, je n'aime pas le sport à la télé. Donc, je vais le pratiquer. Et donc, je fais de son rêve une réalité. Parce qu'il me dit, écoute, avec le potentiel que tu as, on découvre le duathlon en fin 2017, donc suite à ma première année de triathlon. Et il ne connaît pas ce sport non plus. Il regarde mes chronos. Il me dit, mais c'est là que tu as tes chances. Tu vas faire les championnats de France l'année prochaine. Et tu vas te qualifier pour les championnats du monde. Je lui dis, mais t'es complètement fou. Et je vois une lueur qui brille dans ses yeux. Et je me dis, ouais, si je ne le fais pas, on va louper quelque chose. Et je lui dis, écoute, si je ne le fais pas pour moi, dans ma tête, je le fais pour nous, lui, pour moi, pour nous. Voilà. Et c'est comme ça que je me lance dans les championnats de France. Et il a eu bien raison. Parce qu'en 2018, je fais ma première médaille au championnat de France. Je fais médaille de bronze. À l'époque, je cours pas trop mal. Hein. Je fais 5 km en 22 minutes. Correct ? Moi, je fais les cours en 17 et quelques en ce moment. Et je suis qualifié pour les championnats du monde en 2019. Et je fais sixième de ma catégorie d'âge à une minute du podium. Et là, c'est là, waouh, incroyable. Avec 4 heures de sport par semaine, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que nous mettons en place pour réaliser le pari fou de monter sur une des boîtes? Et moi, mon métier, c'est... Je suis commercial pour Alain Massif, hein, je suis conseiller en assurance. Et là, la fixation d'objectifs, hein, y a deux options. Soit tu vises le minimum et tu dis, bon, il y a un risque que ça ne se réalise pas. Ou soit tu te dis, tu te mets un objectif beaucoup plus élevé en étant sûr d'atteindre l'objectif de monter sur la boîte. Et je me dis, ok, ce n'est pas une minute, c'est 3 minutes que je vais gagner. Et je mets tout en place pour dire, ok, qu'est-ce que je mets dans les éléments de la performance? Donc bien sûr, il y avait le matériel, j'avais déjà ce vélo hein, au premier championnat du monde. Je dis, ok, comment je l'optimise? Donc je vais voir un spécialiste, par contre. J'optimise toutes mes ressources, techniques, physiques, humaines, tactiques, la nourriture aussi, hein. Parce que vous avez vu, un peu plus en chair. Hein. La personne que je suis devenue, pas mal. Un petit peu séché. Hein. Il n'y a pas que l'âge. Hein. Je mangeais n'importe quoi. Donc, on parle de sport, de la santé. Il y a des choses qui sont très simples, hein, qui ne demandent aucun effort. Ça demande juste de la discipline. Je mangeais un paquet de bonbons par jour avant. Je sais d'où je viens. Je suis crédible. Hein. Je pense que les cases, je les ai cochées. Hein. Je pense que tout ce qu'il y avait de pire, je l'ai mangé. Je mangeais 250 grammes de sucre pur par jour. Je ne sais pas s'il y avait encore du sang dans mon sucre. Chacun son addiction, et c'est une vraie addiction, c'est la pire des addictions, le sucre. Donc s'il y a un effort à faire, c'est le sucre. Vous l'enlevez, c'est facile. Et j'ai réussi à me sevrer. Hein. Par contre, j'ai regardé un film, ça m'a transformé à vie. Sugarland. Et je me dis, c'est pas possible, ça marche pas. J'ai dit, bah, je vais tester sur moi ce que ça donne. Lui, c'est l'inverse, il mangeait pas de sucre, il s'est mis à en manger. Et en 2 mois, il a pris 10 kilos. Bon, j'ai pas perdu vraiment de poids. Hein. Par contre, j'ai perdu des pantalons. J'ai séché. Voilà, j'ai perdu 500 grammes, par contre, j'ai perdu 2 tours de pantalon. C'est incroyable. En faisant la même pratique sportive à l'époque. Et après, il a fallu aussi se transformer dans la tête, hein, de dire que c'est possible, c'est réalisable, parce qu'il ne se fait pas juste de s'entraîner. Vous imaginez bien qu'on ne devient pas champion juste parce qu'on est fort. Il faut être capable aussi d'y croire. Voilà. Et la croyance en soi, c'est la meilleure des armes. Hein. Ça s'appelle une bombe nucléaire. Voilà. Donc j'ai eu ça dans ma tête en me disant, ok, comment je fais pour me transformer et d'y croire hein, jour après jour. L'échec, la maladie, la clé des réussites. Le premier titre, je l'obtiens en 2021. On est des fous. C'est génial. Parce que j'étais face à la meilleure des championnes en Espagne. C'est presque son métier, hein, s'entraîne 15 heures par semaine. Moi, je n'ai pas ce temps-là, je travaille à temps complet. J'organise ma vie sportive, ma vie familiale et ma vie professionnelle ensemble en équilibre. Pas de sacrifice. Il faut que je trouve le juste équilibre pour être bon dans tous les domaines. Et c'est ça la difficulté. Parce que quand on sacrifie les choses, quand on a des grosses frustrations, ça ne marche pas. On ne peut pas devenir champion. Ce n'est pas possible. Donc je rééquilibre tout ça, et je gagne contre la championne espagnole. 8 mois après, c'est les championnats du monde de nouveau. Oui, parce qu'avec le Covid, ça décale beaucoup les choses, ça en change les emplois du temps. Et je me prépare pour le mois de juin, pour aller gagner le truc fou de se dire, je vais gagner 2 fois le championnat du monde. Parce qu'il faut se remobiliser. La difficulté, elle est là, c'est quand on a atteint le Graal, de se dire, ok, comment je fais pour retourner de nouveau? Eh bien, c'est hyper simple. Non, c'est compliqué. Il faut se mobiliser tous les jours et dire... Bah, c'est là que mon métier m'aide. Hein, c'est que bah, chaque année, au 1er janvier, on met les compteurs à zéro. Il n'y a pas de chiffres, etc. Enfin, contre, moi, tous les jours, je n'ai pas de compteur, je ne sais pas compter. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est plus facile pour moi de faire les choses. Hein, je ne me pose pas de questions. Je suis dans l'engagement total et j'y vais. Donc, s'il faut courir dans la nuit, dans le froid, etc., je le fais. Pour vendre des contrats, enfin, contre, je ne vends pas des contrats. Je réponds juste, tout simplement, à la demande de nos sociétaires. Ils viennent avec des besoins, des faux besoins, ou des choses ils n'ont pas pensé, c'est à moi, effectivement, de leur éveiller les choses. Par contre, je pense que la détermination à réussir, elle est là aussi dans le métier. Hein, voilà. Et la veille de partir au championnat du monde, donc c'est un mardi, hein, je m'en souviendrai toute ma vie, hein, 18h30, donc je prends l'avion le lendemain. On me convoque parce que moi, je fais beaucoup de prévention. Dans ma famille, on a le cancer de presque de génération en génération. Ma mère a le cancer du sein, ma grand-mère a le cancer du sein. Elle en est morte. J'ai une tante qui en est morte. Mon père est mort d'un cancer du fumeur. Bon, lui, il a peut-être un peu plus cherché que les autres, mais bon, je me dis, dans la famille, quel cancer, c'est pas terrible. Donc moi, chaque année, je fais des mammographies. Et le mardi, à 18h30, on m'annonce mon cancer du sein. Et on me dit, bah, demain, après-demain, les examens. J'ai dit, non, non, demain, je pars pour la Roumanie, c'est les championnats du monde, et je vais me changer les esprits. Voilà, ça va me changer les idées. Et puis le cancer, il attendra mon retour. On n'est plus à 4 jours près, quoi. Voilà. Et j'y vais. Les vélos sont perdus. Ouais, c'est la galère totale. Alors ouais, je pense qu'au niveau Shkoumoun, on ne peut pas faire mieux. Hein. Nous, on rigole, on se dit mercredi, de toute façon, ils vont arriver le jeudi, hein, l'optimisme, hein, vous savez. Hein. Bon, bah, l'optimisme, je suis plus optimiste, maintenant je suis réaliste. Hein. Il y a des choses qu'il faut avoir l'esprit positif, hein, ça c'est clair. C'est deux choses différentes. Et puis après, il y a la réalité des choses, c'est qu'on n'avait jamais envisagé que les vélos puissent être perdus. Jamais. Et le jeudi, ils n'arrivent pas, les vélos. Et on ne sait même pas où ils sont. Voilà. Au pays de Dracula, Dracula s'est bien moqué de nous. Hein, ça c'est clair. On est en Transylvanie. Hein. Ouais. Et bah, moi je continue, hein. Je reste focus sur l'objectif. Hein. De toute façon, on va trouver une solution. Voilà. Les championnats du monde, ma course, c'est dimanche. On a 3 jours pour trouver une solution. Donc, je vais même jusqu'à aller voir l'équipe de Suisse, des femmes suisses, pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prêter un vélo ? Enfin, moi, j'y vais, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Quoi. Et le vendredi, mon vélo est retrouvé. Et on me dit, on va vous le livrer ce midi. Je dis, bah, chouette, hein, super. Je dis, par contre, dommage pour Christophe. Parce que lui aussi, c'était comment le qualifier. Il s'était remis de la maladie de Lyme grâce au sport et il s'était qualifié. Et là, il y a un vélo pour deux et c'est le mien qui était retrouvé. Alors, il est content pour moi parce que, bon, avec ce qui m'arrive, j'avais besoin aussi d'avoir cette bouffée d'oxygène. Moi, je suis hyper frustré pour lui parce qu'il a plus que mérité sa qualification. Et de vivre ce moment incroyable de dire « On your mark, fire !» Et puis là, on se retrouve tous à courir. Donc le midi, le vélo n'arrive pas, évidemment, ce serait trop facile. À 14h, 15h, 16h, les heures défilent. Et là on se dit, mais c'est pas possible. Il est où ce vélo ? Et on appelle, mais on parle pas le roumain, donc les livreurs parlent que le roumain, donc c'est un peu compliqué. La camionnette arrive à 20h. Je vais chercher mon vélo. Je prends la valise, vélo, c'est pas mon vélo. C'est pas mon vélo, c'est celui de Christophe. Je dis, bah chouette, c'est super, tu vas pouvoir faire ta course. Et il me dit, ben non, c'est pas possible, c'est toi qui as des chances de podium, pas moi. Donc c'est toi qui vas faire la course sur mon vélo. Je dis, ben oui, mais on fait pas la même taille. Ben, il est pas très grand, mais quand même. Hein. On a deux tailles de vélo, des différences. Et on va trouver des solutions. Vraiment focus, c'est dire, à chaque problème, une solution. Donc là, on reste focus. Mon métier avant la Massif, c'était Décathlon. Imaginez quel rayon, le vélo. C'est mon métier d'avant. Par contre, voilà, dans la vie, il arrive des choses. Et vos compétences, tout ce que vous avez réussi à comprendre et à apprendre. Et Dieu sait, dans les années 90, d'être une femme dans le milieu du cycle, hein, c'était pas évident. Et me voilà chercher des outils le samedi matin. Et où est-ce que je suis allée ? Bah voilà, il y en a qui suivent, c'est chouette. Et je me voilà, Décathlon, Roumanie, à Târgu, et le roi Merlin, à chercher des outils. Et tout en ayant dire dans l'idée, il faut quand même que j'aille reconnaître après le parcours vélo, le parcours de course à pied. C'est le lendemain la course. Mais bon, je mets à jour tout ça et j'avais sur mon téléphone, c'est ça qui est... On a quand même des outils techniques qui sont pas mal. J'avais mon étude posturale que j'avais fait chez le spécialiste et j'ai essayé d'adapter tant bien que possible son vélo à ma taille. Et après, j'ai été testé tout de suite son vélo. Et je suis revenu, je dis yes, ça va le faire. J'ai réussi à être à 38-39 comme ça en pointe, ça va le faire. Et je lui dis, par contre, il y a un truc qui va pas, c'est pourquoi je roule plus vite que toi sur ton vélo. Ça, c'est un autre sujet. Il fallait bien rigoler et puis se détendre parce que c'est pas évident, mais à ces moments-là, c'est le mental qui compte. C'est de se dire, bah voilà. Et moi, en attendant les coups de téléphone de la France pour mon vélo, je recevais aussi les coups de téléphone de la France pour mon opération. Bah oui. Donc j'avais toute la programmation qui m'attendait dès le mardi, la semaine suivante. Donc il fallait piloter ça en même temps, quoi. Et le dimanche, je me mets dans ma tête et je me dis, de toute façon, je fais exactement les mêmes routines que d'habitude. J'avais repéré le parcours vélo, j'avais repéré le parcours course à pied. Et je m'étais mis dans la même routine de dire, de toute façon, j'y vais. Et c'est moi qui vais y aller, c'est pas la maladie. Et pendant toute la course, ça a été ça. Si je gagne, c'est moi qui gagnerai, c'est pas le cancer. Et je gagne ce deuxième titre sur le vélo de Christophe. Et c'est pour ça que je parle de ces championnats du monde qu'on a gagnés à deux. Pour cela, bah, il a fallu sortir de cette fameuse zone de confort. Moi, je ne vais pas vous faire un cours sur la zone de confort. Moi, il a fallu que j'aille au-delà de ce que je voulais, par contre, ce que j'étais capable de faire tous les jours. Il a fallu que j'aille au-delà à chaque fois et sortir de cette zone de peur, parce que finalement, c'est ça. Au début, on a peur, et puis une fois qu'on a appris à appréhender ses peurs, eh ben, on apprend. Et voilà. Et aujourd'hui, j'apprends tous les jours. Il ne se passe pas une seule journée où je n'apprends pas. Parce que c'est grâce à ça qu'on s'améliore et qu'on cherche des solutions. Et surtout qu'on se fait du bien pour soi, pour sa tête et aussi pour les autres. Parce que à partir du moment où on est mieux, tout le monde va mieux. Comment ? Eh ben, on tente, on teste, on échoue, on réussit et on progresse. 2 jours après l'opération, j'étais déjà en train de rêver à mes futures compétitions. 4 jours après l'opération, j'étais déjà sur mon vélo en train de préparer les 24 heures du Mont Vélo, puisque l'équipe Massif avait une équipe et que j'étais dans l'équipe élite. Et je les ai appelés donc, aussitôt après avoir appris cette nouvelle, en disant, mais écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un cancer. La bonne, c'est que je vais avoir 2 mois pour m'entraîner parce que je serai en arrêt de travail et en attendant les autres traitements. Et ils m'ont dit, bah, écoute, tu choisiras. Soit tu seras en élite, soit tu es dans l'équipe loisir en fonction de ton état de forme. Et 4 jours après, j'étais sur mon vélo. Dieu sait que ça fait mal, hein, je vous le dis, hein, ça pique. Et 2 mois après, on a gagné par équipe le titre féminin, donc par équipe de 6. Et ça a été un moment magique, exceptionnel. Donc, par contre, pour cette compétition, ils m'ont fabriqué un maillot que pour moi, avec F The Cancer, vous voyez. Et finalement, c'est aussi avec le cœur qu'on gagne. Hein. Il ne suffit pas d'être fort dans ses jambes, c'est le cœur, la tête. Et avec ça, on fait tellement de choses. Donc, il faut faire des rêves. Numéro 1, règle, rêver, mais le plus fort possible. Et j'ai envie de dire, mais plus c'est dingue, plus les gens vous disent, mais pourquoi tu fais ça? Et non, mais franchement, mais c'est du délire. Plus les gens vous diront, c'est fou, plus il faut le faire. Hein, c'est aussi simple que ça. Et je me rappelle la première fois où on annonce à nos amis qu'on va faire, que moi, je vais me qualifier pour les championnats du monde. Il y en a un, il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Bah, il sait bien pourquoi maintenant, hein, parce que lui il se croyait très fort hein, en faisant 3h30 au marathon. J'ai fait mon premier marathon l'année dernière, ça faisait un peu plus d'un an que j'avais eu mon opération et puis des traitements très lourds. Et j'ai fait 2h59 à mon premier marathon. Voilà. Donc, et en m'entraînant pas forcément comme tout le monde, je faisais que 40 km maximum par semaine de course à pied. Et en fin de compte, il faut peut-être se réinventer et faire les choses différemment parce qu'on ne peut plus faire les choses de la même façon. Je ne peux plus nager, je peux courir, je peux faire du vélo, je m'adapte. Et à un moment donné, pendant les traitements, je ne pouvais même plus marcher. Je gagne une course, je commence l'hormonothérapie, et 6 semaines après, je ne peux même plus marcher. En 6 semaines. Et bien là, vous remettez tous les compteurs à zéro, hein, puis moins que zéro. Hein. Et on se dit, bon, ok, bon, maintenant j'ai compris, il ne suffit pas de le vouloir, des fois on ne peut pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc j'ai réappris effectivement à m'adapter. On a changé bien sûr le traitement, hein, parce qu'il ne m'allait pas. Hein. Vous avez vu le gabarit? Bah, je pense que, voilà, on me donne le même traitement que quelqu'un de 80 kg. Je pense que je ne l'ai fait pas. Hein. À 3 kg près, on ne me donne même plus de traitement, parce que je ne suis pas assez lourde. J'ai le gabarit d'un enfant, donc je pense que derrière, il y a aussi une réalité. Donc eux-mêmes, ils ne savent pas trop comment gérer. Et le sport, ils m'ont toujours dit, continuer à faire du sport, c'est indispensable. S'il y avait un choix à faire, hein, bah, plutôt faire du sport que de continuer les traitements. Et moi, je leur ai dit, mais écoutez, il y a quelque chose qu'il va falloir réfléchir ensemble, puisqu'on travaille en équipe. C'est comment on fait, parce que moi, je vais continuer le sport, mais si je continue à gagner, comment on fait vis-à-vis ben, de tous les gens qui vont me suivre? Ils ne vont peut-être pas comprendre que je suis vraiment malade, que ce n'est pas un fake. Ils m'ont dit, mais oui, bien sûr. Donc, ils ont inscrit, et aux yeux même de la sécurité sociale, c'est marqué que le sport de haut niveau fait partie de la thérapie. Voilà, le sport en compétition à haut niveau. C'est intégré dans mon dossier. Donc, ce n'est pas un sujet. Voilà. Au contraire, eux, ils se disent, waouh, qu'est-ce que... Je pense qu'ils avaient déjà parié de dire, de toute façon, elle avait exposé en plein vol, on ne lui dit rien, elle va bien découvrir. Ah bah, j'ai découvert, mais j'ai exposé, mais j'ai surtourné. Et au bout, j'irai, on le marque souvent au début, on le marquait souvent sur nos publications, et j'en ai fait une marque, voilà, ça m'appartient maintenant. Je l'ai déposé à l'INPI. En avril, j'avais demandé, 2022, avant que ma maladie se déclare, j'avais demandé à mon fils de faire le symbole du phénix pour notre association, parce que je trouvais que ça nous ressemblait. On ne s'était pas prévu le cancer, donc je lui ai demandé de le changer. Il l'a transformé avec un ruban rose, et je l'ai déposé à l'INPI, parce que je ne sais pas ce que j'en ferai, mais en tout cas, je l'ai mis en avant aussi. C'est lui le créateur du logo. Il a 18 ans, bientôt 19. Et je me dis, ben oui, quelque part, même si ce n'était pas ça l'objectif c'était juste de faire du sport, d'être madame tout le monde qui fait des choses de fou, et peut-être devenir un symbole, on verra ce qu'on en fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, on avance un jour après l'autre, avec des rêves grands comme le monde, et de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire encore? Le sport comme thérapie. L'activité physique, bah, ça contribue bien sûr à la prévention et à la prise en charge des maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. C'est écrit, c'est vérifié, c'est validé. Aujourd'hui, le fait de faire du sport, c'est 50% de chances de non-récidive pour mon cancer. J'en fais pas plus, j'en fais pas moins. Je fais pareil. Voilà. Donc, je m'investis. À l'arrivée pour mon 3e titre en 2023, ça fait pas un an que j'ai été opéré. Je suis en plein traitement encore. Ça a été dur. Oui, ça a été dur. J'ai raclé le fond. Mais j'y suis arrivé. à l'aide d'une autre championne, hein, une autre française avec qui j'ai fait la course. On a fait la course toutes les deux ensemble. Et je ne pouvais pas tenir mon guidon à l'origine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en deux secondes, avec l'adrénaline, j'ai pu faire ma course. Et je n'étais pas en pleine forme, hein, mais comme quoi, bah, des fois, il suffit d'y croire et de se donner à fond. Et par contre, j'avais un cœur, mais comme ça, mes amis, ma famille, je leur ai dit, écoutez, mais déjà, je suis juste heureuse d'être là. Voilà, c'est ça. Et d'être heureux de faire ce qu'on fait, bah, ça donne des ailes. Hein. L'activité physique réduit les symptômes de dépression et d'anxiété. Voilà, c'est vérifié également. Voilà. De toute façon, il suffit juste de faire une balade dans la nature, hein, une simple balade, hein, et déjà, on est beaucoup mieux. Et aussi parce que vous captez les phéromones des végétaux. C'est prouvé scientifiquement, les Japonais l'ont prouvé. Une balade de 30 minutes permet d'avoir un bien-être du cerveau parce qu'on capte les phéromones des végétaux. Allez-y, hein, pas compliqué. Vous ne pouvez pas le faire en marchant, y aller en boitant, en siège roulant. Voilà. Je rencontre des gens mais fabuleux, merveilleux depuis que je suis malade. Parce que on a un système de corporatisme, voilà, on rencontre des gens qui sont un peu fracassés. Et puis on fait des choses ensemble. Ça, c'est moi. J'y vais en courant à ma radiothérapie. J'ai eu 20 séances. Elles ont halluciné, les filles. Je suis allée en courant. J'ai continué les courses. Ah, ça a été chaud. Ouais. Par contre, je ne savais pas, mais ça tend aussi les poumons. Et par contre, pendant un an, là, je commence tout juste à recouvrir ma capacité pulmonaire. Mais pendant un an, j'ai couru avec un poumon et demi. Voilà. Un adulte sur quatre dans le monde ne pratique pas une activité physique au niveau recommandé à l'échelle mondiale. On devrait les mettre en prison. Non, je plaisante. Non, c'est une réalité. Et quand on sait que juste marcher, hein, c'est une activité physique, hein, évidemment, on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes compétences. Mais je pense que derrière, on ne sait pas par hasard que l'animal, depuis des millions d'années, l'animal le plus endurant de la Terre, c'est l'homme. Hein, Cro-Magnon poursuivait ses victimes, ses proies, en les blessant et surtout en courant derrière eux. Il s'éteignait à un moment donné et il avait juste à ramasser. Voilà. Les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré. De 20 à 30% par rapport à celles qui sont suffisamment actives. Et moi, ce qui m'attriste le plus, c'est que plus de 80% des adolescents dans le monde n'ont pas d'activité physique. Voilà. Donc moi, je vais au moins une fois par mois dans les écoles pour sensibiliser les jeunes sur à quoi ça sert. La plupart du temps, je suis plus vieille que leur mère. Donc je peux leur parler de que, bah oui, à tout niveau, à tout âge, voilà. Et d'investir en eux, parce que personne ne peut le faire à sa place. Voilà, moi, je ne peux pas courir à la place des gens, ça, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Et s'il y a deux, trois, parce que j'ai des retours incroyables qui viennent me dire oh, ça m'a donné trop envie. Et je leur dis mais rêvez, quoi. Allez-y, les gars, les filles, faites-le. Et peu importe ce que vous avez envie de faire, faites un truc. Et c'est ce qui vous permettra effectivement de faire tout le reste. Parce que la créativité, c'est parce que si on bouge. Ah, bah oui, le sport, ça a été ma thérapie. Hein. Parce que l'objectif, hein, c'était pas que je fasse des conférences, hein, de tout ça, hein, évidemment. Ça crée du lien social, hein, on l'a dit aussi. Ça m'a permis de gérer mon cancer comme une compétition. Dès qu'on m'a appris ça, je me suis mis un peu en guerre au début. Maintenant, je suis plus en guerre, hein. Je fais avec. L'objectif, hein, premier, c'est de pas retomber malade et de me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? Transformer le négatif en positif. Hein. On est hyper crédibles tous les deux. On va au championnat du monde, et on est allé encore l'année dernière tous les deux. Et de se dire, voilà, on rêve les yeux veillés et à tout âge. Juste pour vous dire, les championnats du monde de duathlon, de multisport, etc., c'est pour les classes d'âge. Cette année, pour le mois de la femme, sur le site internet de la Fédération de triathlon, une femme de 73 ans a été mise en avant, parce que c'est notre doyenne en triathlon. Elle a sa carte d'athlète. Et on peut aller au championnat du monde jusqu'à 80, jusqu'à 90 ans. Donc allez-y, hein, rêvez. Hein. Si vous n'avez pas faire du duathlon, si vous savez juste un peu courir, un peu faire du vélo, moi je peux vous donner un petit coup de main pour la préparation. Voilà, donc faut définir bien sûr ses cibles, ses objectifs. Chaque jour, une petite victoire pour augmenter sa confiance en soi et son estime de soi. Quand je me suis arrêtée de courir, que je pouvais à peine marcher, il fait que je reprenne confiance en moi. Les deux premiers kilomètres, un mois après, parce que je me suis bien remis au sport... J'ai arrêté pendant un mois le traitement. Et au bout d'un mois, je me dis, allez, on va tenter sa chance. Et je vais courir que 2 km. L'enfer sur terre. Des douleurs atroces, comme si on m'écrabouillait les hanches à coups de marteau. Je dis, c'est pas grave. Je fais mes 2 km parce que c'était l'objectif que je m'étais fixé. Je l'ai fait. Et demain, ça ira mieux. Je vais refaire jusqu'à temps que ça marche. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et 3 mois après, au mois de mars, je gagne la course des 10 km d'Odyssée. Pourtant, je ne suis pas en pleine forme. Pourtant, je ne suis pas bien préparé. Pourtant, voilà, en fin de compte, des excuses, on en a tous. Et je ne suis pas la plus rapide du monde. Hein. Non, il y a des gens plus rapides que moi sur Terre. La seule chose, c'est que des fois, je tente ma chance par rapport à d'autres. Il y a le court terme, le long terme, un jour après l'autre, et aussi de se projeter le plus loin possible, parce que c'est ce qui nous permet aussi de tenir des fois face à des moments difficiles. Eh ouais, des sources d'inspiration. Alors moi, le premier qui m'a inspiré, c'est Mike Horn. Je l'ai appelé, il n'était pas libre. Alors j'ai lu tous ses bouquins. Sa détermination est totale, mais il n'est pas devenu Mike Horn en une journée. Ça lui a fallu toute sa vie. Donc je me suis dit, bah, si lui, il a réussi à devenir Mike Horn, moi, je peux devenir Séverine. Anaïs Kemener. Parce que bah oui, je me suis connectée à elle quand je suis tombée malade. Elle a eu un cancer du sein à 26 ans. Et aujourd'hui, c'est l'une des femmes les plus rapides en marathon en France. Donc c'est vraiment un exemple. Et elle valorise aussi le sport comme thérapie. Je me suis beaucoup inspirée d'elle. Cette nana-là, extraordinaire, je crois que c'est Jane Hawkes. C'est une nana qui tient un refuge pour animaux, qui est végétarienne et qui court, qui est l'une des plus grandes marathoniennes du monde, qu'on ne connaît pas, et qui court pour les bénéfices des animaux, et qui n'a pas de rotule. Elle n'a pas de rotule. Techniquement, elle ne peut pas courir. Et elle court les marathons. Ben moi, il y a des gens comme ça. Ouais, ça m'épate, ça me scotche. Simone Veil, hein, parce qu'en termes de détermination, elle, on lui a donné des bons coups de pelle aussi. Mais, en fin de compte, et d'être alignée avec ses valeurs, ça n'a pas de prix. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Et moi, j'étais focus toujours sur mes valeurs, de se faire du bien, de ne pas mettre le doigt dans la prise, de ne pas en faire plus, de ne pas se mettre en danger non plus, mais d'aller au-delà de ses limites des fois et de s'inspirer des meilleurs des gens dans leur domaine, quel qu'il soit. Voilà. Changer son état d'esprit. Ah, parce que moi, franchement, en 2015, le pire des Calimians, vous ne pouvez pas trouver. Hein. Gna gna, j'ai pas de chance, machin. Je ne suis pas assez grande pour faire quelque chose de ma vie. Enfin, voilà. Et puis, de toute façon, j'ai un souffle au cœur. Voilà. Bah, je l'ai toujours. Hein. Et je suis plus rapide maintenant à mon âge que je l'étais à l'époque. Donc, comme quoi. Voilà. Non seulement j'ai atteint mon objectif, hein, puisque j'ai fait un podium sur le championnat du monde, mais je l'ai dépassé 3 fois. Et je suis devenue 3 fois championne du monde, malgré les éléments, malgré la maladie. Et je me dis, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ben, je suis devant vous, concitoyens, voilà. Sportifs, non sportifs ou en devenir, parce que je crois que tout ça, ça va peut-être pousser des graines. J'ai planté des graines en tout cas. Il tient qu'à vous pour les arroser et en faire quelque chose. Et maintenant, ben, au bout, j'irai. Marque déposée. Donc si vous voulez l'autorisation, il n'y a pas de souci, je vous la donne. 2 livres, puisque Christophe est bah, non seulement maintenant, c'est plus que mon compagnon, c'est une de mes sources d'inspiration, et surtout, bah, moi je suis devenue une de ses sources d'inspiration, puisqu'elle a écrit 2 livres. Le premier s'est vendu à 500 exemplaires, en auto-édition, nous-mêmes, puisque je profite des conférences pour le proposer. Avec ça, et bah, on offre des massages pour les femmes qui ont le cancer, dis ça, parce que bah, j'en ai besoin. J'ai compris que se faire du bien, c'est important. Donc bien sûr qu'il faut de l'argent pour la recherche, mais il faut aussi s'occuper des femmes qui souffrent aujourd'hui. Et dans toutes nos familles, nous avons des femmes qui souffrent du cancer du sein et bah, elles ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Voilà. Par contre, c'est les gens qui achètent, qui offrent du plaisir. Voilà, finalement, la boucle est bouclée et on se fait plaisir soi-même. Donc, premier livre, 2 fois championne du monde. Bah oui, puis après, il y a eu un petit cancer, 3 fois championne du monde et après. J'ai dit à Christophe, quand on avait terminé le premier livre, j'ai dit, il faut que tu écrives le deuxième, parce que je crois que je vais faire des trucs de fou et que je m'en souviendrai pas. Il a eu raison d'écrire, parce que non seulement c'est bien écrit, et en plus, ben voilà, on a fait des trucs de fou, on a gagné 2 fois les 24 heures du Mans, j'ai gagné un 3e titre, et puis voilà, aujourd'hui, il est sur le 3e livre, et on va faire encore des trucs d'encore plus faux. Voilà. Je vous remercie de vos attentions, je suis à votre disposition pour les questions. S'il est un exemple de détermination, c'est bien celui de Séverine Guérif. Vous pouvez retrouver ce podcast sur notre page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM et nous espérons qu'il vous aura convaincu que le sport et la santé sont indissociables. À très vite sur nos antennes.